la pleine lune. Quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés sur une même ligne. Du coup, la Lune et le Soleil vont tirer très fort sur toute la masse des eaux des océans et ça va provoquer un mouvement important. Donc la mer va monter haut et se retirer très loin. Et donc, à marée basse, évidemment, c'est le moment où on verra le plus de choses. Au contraire, quand on va avoir le premier quartier de la Lune ou le dernier quartier, en ce moment c'est un quartier, je ne sais plus lequel, mais c'est un quartier cette semaine, bah, la Lune et la Terre, et le Soleil et la Terre font deux angles, un angle droit. Donc du coup, si chacun tire de son côté, les forces ne sont pas importantes, donc la mer ne monte pas haut, il ne se retire pas loin. Voilà, c'est les marées de mortes eaux. Et donc ces jours-là, on ne voit pas grand-chose, ce n'est pas intéressant. Voilà. Il va y avoir des espèces qui vont se trouver souvent hors de l'eau. Et puis il y a des espèces qui vont, elles, se trouver très peu souvent hors de l'eau. Et c'est justement ce temps passé hors de l'eau, c'est lui qui va déterminer la répartition des différentes espèces. Donc sur ce panneau ici, on a représenté qu'est-ce qui se passait sur le littoral, donc sur l'estran, dans les rochers, dans la partie rocheuse. Donc là, c'est le haut de la plage, et puis on va descendre comme ça, jusqu'au niveau où on a les pieds dans l'eau. Et là, après, si on veut voir ce qu'il y a plus bas, il faut plonger. Donc les espèces... se répartissent, on appelle ça des étages. Alors ici c'est le haut, la pleine mer de Vivo. Donc c'est le niveau atteint par la marée le jour où la mer monte très très haut, les jours de grande marée. Et au contraire ici, ce sera le niveau jusqu'où se retire la mer ce même jour de grande marée. Voilà, entre les deux, eh ben, il y a plein de choses qui vont se passer.